sans ressentir cette douleur qui lui serre le cœur. Elle s'est dit, j'ai rêvé. Même s'il dit, j'ai rêvé. Tout ça n'est pas vrai, tout ça n'est pas vrai. Voudrais ne plus les imaginer quand il ferme les yeux. Économiser ses larmes pour ces moments de solitude. Même s'il dit, j'ai rêvé. Même s'il dit, j'ai rêvé. Tout ça n'est pas vrai, tout ça n'est pas vrai. Pense a-t-elle pris du plaisir? Combien de fois l'a-t-elle fait? A-t-elle eu des regrets? Ou a-t-elle pensé à lui? Même s'il dit, j'ai rêvé. Même s'il dit, j'ai rêvé. Tout ça n'est pas vrai, tout ça n'est pas vrai. J'ai rêvé. Même s'il dit j'ai rêvé. Tout ça n'est pas vrai, tout ça n'est pas vrai. Il lui faudra du temps pour devoir accepter qu'il ne sera plus le seul à lui faire battre son cœur.